Chapitre sixième. Comme le duc de Charmont et le vicomte de Saint-Austrebert s'étaient tournés vers de nouveaux arrivants, le colonel put demander à Gaston de Pompéran quel était au juste cet Amanzaga. Un joueur, un péruvien, un brésilien, je ne sais trop. Il est célèbre pour avoir fait sauter les banques du Rhin. Il est diversement jugé. Pour les uns, c'est un grec, pour les autres, un honnête homme. Tout ce que je peux affirmer, c'est que je l'ai vu perdre de très grosses sommes. À ce moment, un domestique vint avertir le colonel que son valet de chambre l'attendait. « Voilà une curieuse coïncidence, » dit Gaston en riant. « Quelle coïncidence ! Votre argent arrive au moment où Amenzaga fait son entrée. Cela ne m'oblige pas à jouer. Non. Mais cela vous rend le jeu facile. Au reste, je vous avoue que pour moi, j'en suis enchanté. J'aurai ainsi plaisir à pouvoir lutter contre le terrible Amenzaga, qui nous a tous plus ou moins plumés. Et comme vous n'avez pas moins de calme que lui, comme d'un autre côté j'ai la conviction que finalement la victoire appartient toujours au gros bataillon, j'espère que vous nous vengerez. Allez donc chercher le convoi de munitions que vous apporte Horace. » Le valet de chambre du colonel était un jeune nègre magnifique qu'un créole lui-même, malgré le préjugé de la couleur, devait admirer, tant il y avait de force et de souplesse dans sa taille athlétique, de bonté dans ses yeux, aussi doux que ceux d'un Terre-Neuve, de joyeuse humeur dans son sourire. Beau, on ne pouvait pas dire qu'il le fût en le jugeant d'après les principes d'esthétique établis pour les blancs et par les blancs. Mais en tout cas, superbe de puissance et de vie, sans rien de ce qui souvent constitue l'infériorité de la race noire. Le front déprimé, les mâchoires en saillie, les jambes arquées, les genoux fléchis, le cou tendu en avant, tous ces caractères qui rapprochent l'homme du singe. Assis dans l'entrée, il attendait tranquillement son maître, et les invités qui arrivaient s'arrêtaient curieusement devant lui pour regarder cette admirable statue de bronze. Lorsqu'il vit son maître sortir du salon, il se leva vivement, et son visage noir s'éclaira d'un sourire qui découvrait ses dents blanches. « Tu m'apportais ce que je t'ai demandé ?» dit le colonel en l'attirant dans un angle. « Voici les billets, » dit Horace, en tirant de ses poches plusieurs paquets noués en liasses d'égale d'épaisseur. Et puis je vous ai apporté aussi votre revolver. » Disant, il sortit de sa poche de côté un revolver à crosse d'ivoire dont le canon nickelé, frappé par la lumière, jeta des reflets argentés. « Veux-tu bien cacher cela tout de suite ?» dit le colonel en riant. « Crois-tu que nous sommes dans une ville neuve du Far West et que je vais jouer avec des roadies ?»« Il n'y a pas de voleurs à Paris. Je n'en sais rien. Mais on ne se défend pas d'eux avec un revolver. Emporte. C'est égal. » « Si mon colonel veut bien le permettre, je vais l'attendre. »« Mais non, battant. Je vous en prie, maître. Et puis, je vous assure que j'étais très bien à ma place. Les femmes blanches qui passent n'ont pas à Paris le même regard que les femmes blanches à Boston ou à New York. » Haussant doucement les épaules, le colonel rentra dans les salons. En son absence, un changement s'était fait dans le grand salon. Les sièges avaient été poussés contre les murs, et au milieu, un espace était resté vide. Dans cet espace, deux domestiques apportèrent une longue table en bois qu'ils avaient été chercher dans la cuisine. Au milieu de ce salon tout chargé de dorures, au milieu de ces tentures et de ces meubles de satin, sur ce tapis dont les fleurs roses et le fond blanc avaient tout l'éclat du neuf, cette table sur laquelle on voyait des taches de graisse mal lavées et des brûlures, produisait un singulier effet. Mais bientôt le bois brut disparut sous un grand rideau bleu dont on couvrit la table, et sur ce rideau, Amenzaga, tenant dans ses doigts un morceau de craie, dessina des lignes comme on en voit sur les tables de 30 et 40. À ce moment, la maîtresse de maison s'approcha. « Ah, messieurs, je vous en prie, » dit-elle, « ne jouez pas chez moi. » Mais ces paroles furent accueillies par une explosion de murmures et de cris. « Tu veux donc qu'on se regarde comme des chiens de faïence. Et pourquoi nous as-tu invités ?»« Jouez au whist, » dit-elle. « Mets ton Raphaël à la porte. » « Eh bien alors, si vous jouez malgré moi, au moins promettez-moi de ne pas jouer gros jeu. Raphaël est un ange, c'est la providence des familles. Petit jeu, c'est entendu, c'est juré, mère de famille. Monsieur Amenzaga à la banque. » Celui-ci se fit prier un moment, mais bientôt il s'assit à la place du banquier. Alors, en quelques secondes, la table fut entourée. Les femmes, tout à l'heure si calmes, si chiens de faïence, s'étaient subitement animées. Les attitudes voulues avaient été oubliées. Le naturel avait reparu. Les bouches s'étaient ouvertes. On parlait, on criait, on se querellait pour obtenir les bonnes places autour de la table. « Mesdames et messieurs, » dit Amenzaga, en mettant des rouleaux et des billets sous le tapis, « il y a 50 000 francs à la banque. » Cependant, le pianiste continuait de frapper sur son instrument et de jouer l'invitation à la valse. Il était bien question de valse. On alla lui dire de se taire. Les femmes s'étaient assises autour de la table et les hommes se tenaient debout, à côté d'elles ou derrière leurs chaises. Bien entendu, ce n'était point le hasard qui avait disposé ce groupement, mais le choix. Chacune s'était arrangée pour avoir son ou ses banquiers à portée de la main. « Faites votre jeu, » dit le banquier. « Le jeu est-il fait ?» Le baron Lazarus vint se placer derrière le banquier. L'or et le billet ayant été placés sur le tapis, le jeu commença. Debout, à une certaine distance de la table, le colonel regardait, mais l'idée ne lui vint pas de jouer lui-même. Plusieurs coups furent joués, gagnés ou perdus, et il remarqua que le baron pointait toujours pour la banque, comme s'il avait eu une foi aveugle dans la chance du banquier, ou bien comme s'il avait été son associé. Ce banquier trichait-il ? Rien ne l'indiquait, car il perdait et gagnait alternativement. Quand les femmes gagnaient, elles mettaient une partie de leurs gains dans leur poche. En venant à cette soirée, le colonel avait été animé par une véritable curiosité. Qu'y verrait-il ? Que s'y passerait-il ? Il n'en savait rien. Mais enfin, il avait le pressentiment qu'il devait s'y passer quelque chose. Il était chez une des comédiennes célèbres de Paris, avec des femmes dont les noms étaient connus de tous. Il lui semblait qu'il ne devait pas assister à une soirée bourgeoise. Jusque-là, son attente avait été trompée. Au lieu de la maison d'une courtisane telle que son imagination la lui avait montrée, un intérieur d'honnête femme meublé avec un certain luxe, mais sans rien d'extravagant ou d'insolent. Au lieu de femmes provocantes, entraînantes, belles ou étranges, de vieilles comédiennes et des cocottes flétries, qui jouaient la dignité et le comme il faut. Et quoi, c'était là Paris ? C'était là cette vie parisienne ? Une table de cuisine et une banque de 50 000 francs ? Dans tous ses regards, la soif du gain, dans aucun la passion du jeu. Comme il allait s'éloigner pour s'asseoir dans un coin, la maîtresse de maison s'approcha de lui. « Comment ? Vous ne jouez pas, monsieur le colonel ? Vous allez vous ennuyer ? Voulez-vous que je vous tienne compagnie ? » Il aimait mieux jouer. « Je jouerais volontiers, dit-il, si j'avais une associée, si j'avais charge des intérêts d'une autre. Vous plaît-il d'être la mienne ?» S'il lui plaisait d'être l'associée du colonel, elle lui prit le bras et alors ils s'approchèrent de la table. Bien que les joueurs soient ordinairement peu sensibles à ce qui se passe ailleurs que sur le tapis où leurs yeux sont attachés, l'entrée au jeu du colonel produisit une certaine sensation. Une femme qui avait passé près de lui au moment où Horace le remettait des liasses de billets et lui tendait un revolver avait raconté cette histoire en l'arrangeant. On savait que l'habit du colonel était doublé de billets s'élevant à au moins 1 million et que dans ses poches il portait 2 revolvers. Qu'allait-il se passer ? S'il perdait, brûlerait-il la cervelle à Amenzaga ? Plus d'une joueuse se disait que cela pouvait arriver, car chacun sait que c'est l'habitude des Américains. Cependant, cela n'arriva point. Il est vrai que le colonel, au lieu de perdre, gagna, et qu'alors il lui était vraiment difficile de trouver un prétexte pour loger quelques balles dans la poitrine du banquier. « Voulez-vous jouer pour moi ? » avait-il dit à Raphaël, et il s'était contenté de lui tendre les billets et de ramasser ceux qu'il gagnait. Dégagé de toute préoccupation, il s'était amusé à regarder les joueurs. Au premier coup, il n'y avait eu rien de particulier. Chacun avait suivi son inspiration propre. Ce coup, il l'avait gagné. Alors, il s'était produit un curieux changement. Tout le monde, même le baron Lazarus, s'était mis à jouer le jeu qu'il jouait lui-même. Aussitôt qu'il avait fait placer sur la table ses billets par Raphaël, on le suivait. Au 7e coup, Amenzaga se leva et déclara que la banque avait sauté. Alors, il y eut un tonnerre d'applaudissements auquel Raphaël ne prit pas part. Peut-être cette réserve lui fut-elle imposée par sa qualité de maîtresse de maison, ou peut-être, plus simplement, par l'embarras où elle aurait été de se servir de ses mains, qui toutes deux étaient pleines de billets. On vint féliciter le colonel comme s'il avait remporté une glorieuse victoire. « Un calme admirable, » dit le baron Lazarus, « et non moins de promptitude dans la décision. » « Je le savais bien, » s'écria Gaston de Pompéran, « que vous seriez notre vengeur. » Les femmes aussi l'avaient entouré pour le complimenter. Il y en avait qui tournaient autour de lui, l'examinant curieusement, cherchant sans doute s'il ne découvrirait pas dans ses poches les canons de ses revolvers. « Il me semble qu'il serait convenable d'adresser quelques paroles bien senties au vaincu, » dit une voix. « Raphaël, consolez donc Monsieur Amenzaga. » Mais Raphaël, penché sur la table, comptait les billets et en faisait deux tas. « Gardez tout, » dit le colonel lorsqu'elle lui tendit sa part. « Nous compterons plus tard. » Libre alors de reprendre son rôle de maîtresse de maison, elle voulut s'occuper du vaincu, mais elle ne le trouva point. On lui dit qu'il était sorti. « Il s'est sauvé !» cria une voix. « Il a eu peur !» Mais à ce moment même, il rentra dans le salon et se dirigea vers le colonel. « Vous plairait-il de m'accorder ma revanche ?» dit-il. « Seulement j'ai été si malheureux 30 et 40 que je vous propose le baccarat. »« Volontiers, » répliqua le colonel. De nouveau, on entoura la table. Les raies de craie furent effacées sur le tapis. Le colonel et Amenzaga se trouvèrent placés en face l'un de l'autre. Celui-ci ramassa les cartes éparses çà et là et les arrangea devant lui. La véritable bataille allait commencer. La curiosité de tous était vivement surexcitée. Qui serait vainqueur? Si cette curiosité s'était portée moins passionnément sur cette question, elle aurait pu faire une remarque intéressante. C'étaient les cartes qui avaient servi aux 30 et 40 qu'Amenzaga avait arrangées. Cependant, dans le paquet entassé devant lui, toutes ne paraissaient pas avoir fait le même usage. Il y en avait qui formaient une tranche un peu plus blanche.